guerre approche, je ne regarde pas derrière moi, je sens. Dans l'ombre, il bouge sans bruit, veilleur sans nom, guetteur silencieux. Il ne combat pas, mais sans eux, je tomberai. Il ne combat pas, mais sans eux, je tomberai. Chaque pixel est une sentinelle. Quand la guerre urge.